Dans la première moitié du XIIe siècle, Pierre, le vénérable abbé de Cluny, nous parle d'Humbert, le comte de Beaujeu, fils de Guichard dans le Mâcon, France, tandis qu'il faisait la guerre aux seigneurs de son voisinage, et où dans la mêlée, le chevalier Geoffroy d'Idenne reçut une blessure qui le tua sur le champ. Deux mois après sa mort, le chevalier apparut à Milon d'Ossa, qui le connaissait bien, le priant de dire à Humbert de Beaujeu qu'il était au purgatoire, pour l'avoir aidé dans une guerre injuste, et où il avait perdu vie, et qu'il n'avait pas expié ses péchés avant ses morts imprévues. Il le supplia instamment d'avoir compassion de lui et de son père Guichard, qui n'a pas suffisamment satisfait à la justice de Dieu pour ses péchés, à cause d'une part de ses biens mal acquis comme ses enfants avaient, bien qu'il ait mené à Cluny une vie religieuse dans les derniers temps de sa vie. Par conséquent, il le conjurait d'offrir, pour son père et lui, le saint sacrifice de la messe, aussi de distribuer des aumônes aux pauvres, et de les recommander, l'un et l'autre, aux prières des gens de bien afin d'abréger leur pénitence. Dites-lui que s'il n'écoute pas, je devrais moi-même aller lui annoncer ce que vous venez d'entendre, ajouta le revenant. Le seigneur d'Ossa s'acquitta fidèlement de la commission. Humbert en fut effrayé mais ne fit ni prière, ni réparation, ni distribution d'aumônes. Toutefois, craignant que le chevalier Geoffroy d'Idenne ou son père Guichard ne viennent l'inquiéter, il n'osa plus demeurer seul. Surtout la nuit, et avait toujours autour quelques-uns de ses gens qu'il faisait coucher dans sa chambre. Un matin, encore au lit, il vit Geoffroy d'Idenne apparaître devant lui armé comme un jour de la bataille, qui lui montrait la blessure mortelle qu'il avait reçue, qui paraissait encore fraîche, et lui reprocha son peu de miséricorde pour lui et son père, tandis qu'il peinait dans les tourments. « Prends garde que Dieu ne te traite avec rigueur, dit-il, et qu'il te refuse la miséricorde que tu ne nous accordes pas. Quant à toi, abandonne la résolution que tu as prise d'aller à la guerre avec Amédée, comte de Savoie, car tu perdrais ta vie et tes biens si tu y vas. » Et le mort disparut au même moment que l'écuyer du comte, Richard de Marsay, entra en revenant de la messe. Dès lors Humbert de Beaujeu travailla assidûment à soulager le chevalier et son père. Il fit par la suite le pèlerinage de Jérusalem pour expier ses propres péchés. Il obéit avec tant de ferveur, qu'en Terre Sainte il s'ensola dans l'ordre du Temple, sans le consentement de sa femme, ce qui fut cause d'un procès. Écrit de Pierre le Vénérable au pape Eugène. Noble personnage que le Seigneur Humbert de Beaujeu, récemment revenu d'outre-mer, notre contrée entière s'est excitée dans une ivresse universelle. Le plaisir de la joie règne chez les clercs et les moines, l'allégresse chez les bourgeois, et même chez ceux d'ordinaire la proie des ravisseurs, que dis-je, la pâture des loups, paysans, laboureurs, pauvres, veuves, orphelins. Toutes les classes du peuple enfin ne peuvent contenir l'expression de leur bonheur. Au contraire, les spoliateurs ou voleurs de pauvres, destructeurs des églises, oppresseurs des clercs et moines, gémissent et souffrent plus que je ne saurais dire de voir ce ferme rempart s'opposer à leur perversité. Le pays que nous habitons est peut-être, comme l'a reconnu votre sainteté, plus malheureux à lui seul que toutes les autres contrées de la terre. Sans roi, sans duc, sans prince, sans défenseur, il est exposé aux dents des bêtes féroces, mais tous les animaux sauvages du pays y vivent en joie. Ceux qui portent des titres de duc, comte, où princes se conduisent comme s'ils ont le pouvoir, non à défendre, mais à dévorer le peuple de Dieu. Leur perversité s'accroît avec leur grandeur. Plus ils acquièrent de puissance, plus ils mettent de cruauté à opprimer les faibles et les pauvres.